Il y a longtemps, dans le Far West, le pays des cow-boys, vivait une femme qui s'appelait Calamity Jane. Calamity Jane s'habille comme un homme. Elle met des pantalons à franges et elle n'a peur de rien. Ni des Indiens, ni des voyous, ni de la mort. Elle fume, elle crache, elle boit, elle aime dire des gros mots et elle sait très bien tirer à la carabine. Calamity Jane est une légende, une vraie. Et elle a vécu au moins 1000 aventures. Sur elle, on a raconté beaucoup de choses. Qu'elle se vante, qu'elle aime un peu trop la bagarre et qu'elle cherche souvent les ennuis. Peut-être, sans doute. Et alors ? Il en faut bien des têtes brûlées qui n'ont pas peur du danger et qui veulent vivre à leur manière. Calamity Jane n'aime qu'une chose, la liberté. Partout où elle réplique ses grabuches garanties, chaque fois qu'elle apparaît, on dirait qu'un grand coup de tonnerre éclate dans le ciel bleu. Le Far West, c'est tout à l'ouest de l'Amérique. Là-bas, on marche dans la poussière et le soleil brûle du matin au soir. Au Far West, tout le monde a une arme et c'est rempli de vilains bandits. Calamity Jane en a rencontré plusieurs. Elle en a même aimé certains. Quoi, ça t'étonne? Eh bien, pas moi. Elle fait ce qu'elle veut quand elle veut et elle aime qui elle veut. Quand sa vie a commencé, Calamity Jane ne s'appelait pas encore Calamity, mais Martha Canary. Oui, tu as bien entendu. Canary, comme un... mais avec un Y à la place du I. Avec son père, sa mère et ses 5 frères et sœurs, elle a passé son enfance sur les routes, dans des chariots tirés par des chevaux. Ses parents étaient pionniers et ils menaient une drôle de vie. Attirés par les grands espaces et par les mines d'or qui se trouvaient à l'ouest, ils ont traversé toute l'Amérique dans l'espoir d'y trouver une vie meilleure. Tout le monde, croyait-on à l'époque, pouvait devenir ultra riche en un quart de seconde, il suffisait de tomber sur la bonne pépite. Durant ces longs voyages, Calamity se sent comme un poisson dans l'eau. Ça ne la dérange pas de vagabonder de ville en ville, bien au contraire. Enfant, raconte-t-elle, j'ai toujours le goût de l'aventure et du grand air. Elle chasse, elle monte à cheval, elle apprend à faire claquer son lasso. À ce moment-là, pour elle, waouh, c'est la belle vie. Mais cela ne dure pas. Vers l'âge de 11 ans, Calamity Jane perd ses parents. Elle est adoptée par une nouvelle famille. Dans sa nouvelle maison, elle doit frotter le sol, préparer les repas et faire briller toute la vaisselle. La barbe, exactement tout ce qu'elle déteste faire. Sans compter que ça va, elle ne s'appelle pas Cendrillon, flûte ! Alors Calamity décide de partir. 15 ans à peine et déjà, elle sent que l'aventure l'appelle. Seule sur les routes, elle vit au jour le jour, elle parle à quelques ours, elle dort dans des cabanes en rondins et tous les soirs, elle se rend au saloon. Au saloon, on boit debout au bar, on joue au poker toute la nuit, c'est plein de fumée, ça pue un peu, mais il se passe plein de choses intéressantes. Enfin, surtout, beaucoup de bagarres. Un coup de pied à gauche, un coup de poing à droite, 3 petites chaises qui volent. Calamity Jane n'est jamais loin et elle adore ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a commencé à l'appeler Calamity Jane. Tu as compris pourquoi ? Calamity, comme une calamité. À 19 ans, elle croise la route d'un groupe de chercheurs d'or. Ils s'apprêtent à partir pour la région des Black Hills, les collines noires. Bon sang, une expédition dans une contrée sauvage et un peu dangereuse. Tu parles, Calamity Jane en rêve. Exactement l'aventure dont j'ai besoin. Au Far West, en ces temps-là, les femmes n'ont pas le droit de participer à ce genre d'expédition. Évidemment, tu commences à la connaître. Cela ne suffit pas à l'arrêter. Elle cache ses cheveux sous un chapeau. Ainsi déguisée en homme, elle rejoint le groupe de chercheurs d'or. Je ne sais pas si tu as déjà été dans les Black Hills. C'est un endroit plutôt impressionnant. Les routes sont raides et il fait très sombre à cause des sapins qui font de l'ombre au sommet des collines. Calamity est aux anges. Elle est contente. Très contente même. Elle dort à la belle étoile sur des tapis de mousse. Elle fume la pipe. Elle raconte des histoires géniales à ses camarades le soir au coin du feu. Tout se passe extrêmement bien jusqu'au jour où son secret est découvert. Un matin, une touffe de cheveux s'échappe de son chapeau. Calamity tente de rattraper la mèche, mais trop tard. Les chercheurs d'or ont tout vu. Ils comprennent instantanément qu'elle est une femme. Calamity Jane doit quitter l'aventure. Elle est verte de rage. Heureusement, la vie lui réserve de bien meilleures surprises. Quelques mois plus tard, elle croise la route du fameux Wild Bill. Wild Bill. Un sacré loustique, celui-là. Il a les oreilles pointues, il ne lave jamais ses cheveux longs, et de gros paquets de moustaches lui tombent de chaque côté de la bouche en touchant presque son menton. Un drôle de look, n'est-ce pas? Oui, mais va comprendre pourquoi. C'est la mode au Far West. Wild Bill est shérif. Enfin, un drôle de shérif. Du genre à faire régner la loi en appuyant souvent sur la gâchette. Tu vois ce que je veux dire? Wild Bill traîne avec toute une bande de hors-la-loi qui galopent à cheval jusqu'à très tard la nuit. Ça fait beaucoup de bruit et ça empêche les voisins de dormir. Alors le matin, il leur laisse des mots pas très sympas à côté de leur selle de cheval. Wild Bill, si tu continues, j'aurai ta peau. Tout ça, ça la fait bien marrer Calamity Jane. Elle les trouve incroyables. Elle a comme une sorte de coup de foudre amical pour eux. Et c'est réciproque. Wild Bill l'amène avec lui à Deadwood, la ville la plus connue du Far West. Pendant quelque temps, Calamity Jane le suit comme son ombre. Elle trouve que c'est un super ami. Il paraît qu'elle en tombe même un petit peu amoureuse. Un soir, alors qu'il joue au poker, Wild Bill reçoit deux coups de pistolet. Il meurt sur le coup. Calamity Jane a sacrément le cafard. Le moral totalement dans les chaussettes. Même si elle ne porte pas de chaussettes, elle traîne dans les rues de Deadwood. Pour essayer de se changer les idées, elle fait toutes sortes de choses. Elle bâtit des forts, elle conduit des trains, elle cherche un peu d'or et elle participe même à quelques spectacles dans des cabarets. En 1878, la ville de Deadwood est touchée par une épidémie de variole. C'est une maladie très grave et très contagieuse, une sorte de méchante varicelle avec beaucoup de fièvre. Calamity n'a pas peur de se retrousser les manches. Elle passe ses journées et ses nuits au chevet des malades. Elle ne s'arrête pas une seconde, sauf pour boire un petit verre d'eau de temps en temps, mais c'est tout. Grâce à elle, beaucoup de vies sont sauvées. Ce qu'elle a fait pour les habitants de Deadwood à ce moment-là, personne ne l'oubliera jamais. Et puis un jour, elle s'en va. Ce qu'elle fait ensuite, franchement, on n'est pas très sûr. On sait qu'elle voyage. Certains l'ont vue se balader dans les grandes plaines du Wyoming, d'autres l'ont aperçue zigzaguer entre les hautes montagnes du Montana. Elle élève du bétail, elle ouvre une auberge, elle fait sûrement bien d'autres choses encore. Et puis un jour, elle réapparaît. Calamity a besoin d'argent. Alors, elle joue dans des spectacles. Avec toutes les aventures qu'elle a vécues, elle s'est forgée une sacrée réputation et elle est connue dans toute l'Amérique. Les gens accourent de partout pour entendre et voir la fameuse Calamity Jane, la femme au grand cœur qui n'avait peur de rien. Après ça, il paraît qu'elle s'est mariée, au moins deux fois, et qu'elle a continué à voyager. Le temps presse, hélas, et je ne peux te raconter toutes ses aventures tant elle en a vécu. Retiens tout de même ceci. À la fin de sa vie, elle racontait à tous ceux qui voulaient l'entendre « J'ai connu la ruée vers l'or, j'ai participé à des expéditions, j'étais amie avec Wild Bill et surtout, j'ai vécu libre. » Certains soirs, au milieu du désert, on entend de drôles de bruits. Ce sont les pas de Calamity Jane qui passent dans le soleil couchant. Si tu la croises, tu peux bien sûr la saluer, mais seulement du bord de ton chapeau. D'après ce qu'on raconte, elle n'aime pas trop qu'on la dérange, Calamity. Sauf si, évidemment, tu as une super aventure à lui proposer. Mais au fait, d'où vient le mot « saloon » ? Saloon, c'est un mot américain pour désigner les bars dans le Far West. Mais il trouve son origine dans deux mots européens. Le mot français « salon » et le mot italien « salone » qui veut dire... Tu as deviné ? Oui, tout simplement « salon ». Tu vois, il n'y a pas que les humains qui voyagent dans la vie, les mots aussi. Et bientôt, le spectacle Les Odyssées. Retrouvez Laure Grand-Besançon sur scène dans le spectacle Les Odyssées, adapté de son podcast à partir du 22 octobre 2022 au Théâtre Libre à Paris. Réservez vos places dès maintenant.